je vais voir ce qu'on a écrit sur, d'abord en Afrique du Nord et après sur, sur le monde arabe. Monde arabe au XVIIIe siècle, sur le monde musulman, et en fait, parce que en lisant ça, je voyais que c'était pas ce qu'on disait qu'on disait, voilà. Alors ça m'a emmené à écrire il y a assez longtemps un ouvrage sur la perception de l'Afrique du Nord au XVIIIe siècle, et après on me demande comme ça, de temps en temps, d'aller parler du monde musulman. Alors, les Lumières, je n'aime pas tellement le mot Lumière, mais bon... le garder, le 18e siècle, le long 18e siècle, on a en fait, il y a un certain nombre de choses écrites sur l'Europe du 18e siècle et le monde musulman, mais plutôt des études pointues, on parle de ce qu'a dit Voltaire ou Montesquieu, très souvent, et aussi on a souvent des idées assez simplistes sur comment le monde européen, les Lumières, ont regardé le monde musulman, parce qu'on cite souvent un certain nombre de textes, quelquefois on les caricature. Et aussi, bien sûr, depuis un certain nombre d'années, les études sur l'orientalisme, depuis notamment, bien sûr, l'ouvrage de Poussaï sur l'orientalisme, années. Alors, Edward Said, en fait, il parle surtout à partir du 19e, mais il a tendance à donner l'impression que ce qu'il dit sur le 19e, ça s'applique aussi à la période précédente. Ça a encouragé un certain nombre d'idées assez simplistes. Contre certaines personnes qui disaient avant, les Lumières, ils sont sympathiques en général envers le monde musulman. De l'autre côté, suivant Said, c'est maintenant beaucoup plus courant. On voit, surtout dans la critique qui est sortie des ouvrages de Said et pour lequel il n'est pas nécessairement responsable, la critique postcolonialiste, on a tendance à voir vraiment les Lumières comme, en quelque sorte, le grand méchant qui a préparé les attitudes coloniales du 19e siècle, étant donné bien sûr que le 18e siècle termine avec l'expédition napoléonienne en Égypte, et puis bien sûr, 1830, on a l'expédition en Algérie, où justement on fait appel à certains noms d'idées des Lumières. Donc ça a encouragé cette idée que c'est les Lumières qui préparent ça. Et on parle beaucoup de l'universalisme des Lumières qui élèverait un certain nombre de caractéristiques de l'Occident contre l'autre Orient perçu comme passif, féminisé, etc. Alors, mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, on trouve au XVIIIe siècle un discours beaucoup plus complexe et beaucoup plus ambigu. Il n'y a pas un discours. Et souvent, c'est contradictoire. Il n'y a pas une façon, au XVIIIe siècle, de percevoir le monde musulman. Il y en a plusieurs, et même quelquefois, chez la même personne, on trouve plusieurs attitudes qui peuvent paraître contradictoires. Et en fait, je pense... Moi, mon impression est vraiment qu'en parlant du monde islamique et de l'islam, parce que ce n'est pas nécessairement bien sûr la même chose quand on parle de l'islam comme religion, ou on parle du monde musulman de façon plus générale, il y a un vrai intérêt pour l'autre au XVIIIe siècle. Il y a des vraies questions qu'on se pose. Il y a une curiosité pour l'autre, et notamment pour le monde musulman, qui est l'autre le plus proche, en quelque sorte. On n'a qu'à traverser la Méditerranée, et on se trouve en l'Empire ottoman, et on se trouve dans un monde musulman. Donc il y a beaucoup de curiosité pour ça, mais en même temps, il y a ce qu'on peut appeler en général une instrumentalisation de cet autre. Mais l'instrumentalisation n'est pas toujours la même. Donc, les attitudes, c'est en grande partie en fonction de ce qu'on essaie de démontrer. Donc, on verra, on trouve des attitudes très hostiles, qui continuent en quelque sorte certaines attitudes du Moyen-Âge, mais on trouve aussi des attitudes plus bienveillantes, on peut dire, montrant plus de sympathie, Mais pas, la sympathie ne veut pas forcément dire plus de compréhension. Alors, pour commencer, je vais faire au début quelques réflexions générales sur la question du monde islamique. Et ensuite, je vais parler des attitudes envers plutôt l'islam en général, et en essayant de montrer les raisons pour ces différentes perceptions en fonction des débats européens dans lesquels ils s'insèrent. Parce qu'en fait, c'est plutôt ça. L'islam s'insère et est utilisé pour un certain nombre de débats. Alors, d'abord, la situation historique. Alors, bien sûr, on a tendance à oublier qu'au XVIIIe siècle, le monde musulman n'est pas encore colonisé par l'Occident. C'est une évidence, mais on a tendance à l'oublier. Quand même, au cours du XVIIIe siècle, ça arrive parce que les Britanniques ont commencé leur domination sur le sous-continent indien, et notamment les régions plutôt musulmanes, à partir des années 1760. Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Donc, le monde musulman est-il beaucoup plus ce monde, comme j'ai dit, étrange et familier, assez proche, mais perçu plutôt comme dangereux et menaçant, parce que c'est incarné immédiatement par l'Empire ottoman, qui, au moins dans la première moitié du XVIIIe siècle, est toujours perçu comme un danger militaire. Mais ça, ça change au cours du siècle. Et vers la fin du XVIIIe siècle, ça, on voit que c'est nettement moins menaçant. Et donc, c'est pas un hasard qu'à la fin du siècle, on a des expéditions, il y a des expéditions napoléoniennes, et puis une expédition américaine contre Tripoli. Bon, donc, c'est plutôt l'Empire ottoman qui occupe l'Est et le Sud de la Méditerranée. Et en fait, quand on parle des musulmans, on parle des Turcs. Le mot turc, en fait, que ce soit en anglais, en français ou dans d'autres langues, veut dire en général musulman. Quand quelqu'un se convertit à l'islam, on dit qu'il est devenu turc. En anglais, on dit un turc. Voilà. Donc, les deux sont perçus comme la même chose dans l'esprit de la plupart des gens. Voilà. Alors, parce qu'il y avait des gens qui se convertissaient, notamment parce que c'est des gens qui trouvaient qu'ils avaient plus de possibilités de réussite dans le monde musulman, où il y avait certaines personnes qui avaient été prises comme captifs en Afrique du Nord, ils se convertissaient, etc. Mais ça existait. Bon. Donc, comme j'ai dit, le monde musulman était craint. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'à la fin du XVIIe siècle, en 1683, l'armée ottomane était arrivée juste devant Vienne. Ils n'ont pas réussi à prendre Vienne, mais ça faisait peur. Donc, comme j'ai dit, cette menace était ressentie pendant au moins la première moitié du siècle. Et puis, en Méditerranée, il y avait des corsaires barbaresques qui s'attaquaient au bateau qui prenait captifs des voyageurs, des Européens, contre un rançon. Alors, il y avait tout un discours développé, notamment par des moines catholiques, sur l'esclavage des Européens à Alger ou en Afrique du Nord. Mais en fait, c'était plutôt des captifs qui étaient pour attirer de l'argent, pour des rançons. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi tout ce discours autour des pauvres esclaves qui souffraient dans des pays musulmans. Voilà. Bon. Mais en fait, au XVIIIe siècle, malgré ce sentiment de menace, l'Empire ottoman était en déclin. Alors, je n'entre pas trop dans les détails, mais il y avait des tentatives pour moderniser l'armée. Qui n'ont pas réussi, et notamment un de ceux qui a écrit sur le monde musulman à la fin du XVIIIe siècle, le baron de Tott, il était envoyé par le gouvernement français pour aider le gouvernement ottoman à moderniser l'armée. En fait, il n'a pas réussi, et c'est un peu pour ça qu'il écrit des choses tellement hostiles au monde musulman. Bon. Et puis, il y a, dans les années 70, il y a une guerre désastreuse de l'Empire ottoman contre la Russie, qui termine avec la défaite de l'Empire ottoman et un traité qui force l'Empire à céder la Crimée à la Russie. Alors ça, justement, ça semble indiquer que ce n'est plus un danger. Donc ça devient plus, moins un objet de peur qu'un objet de curiosité. Hein. Et il ne faut pas oublier aussi que cet empire était un enjeu dans la concurrence entre la Grande-Bretagne et la France pour le commerce et pour l'amitié de ce pays. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il y avait justement le commerce. Les rapports n'étaient pas toujours conflictuels. Il y avait des représentants des compagnies de commerce dans les échelles du Levant, dans l'Empire ottoman. Et d'ailleurs, certains ont écrit sur ce monde après avoir résidé là longtemps. Il y avait aussi, bien sûr, la Perse. Et il y avait quelques voyages en Perse et qui ont bien sûr inspiré les lettres persanes de Montesquieu. Mais on ne connaissait pas très bien la Perse. On était vaguement conscient qu'il y avait une différence entre l'islam des Perses et l'islam des Turcs, mais c'était assez vague dans l'esprit de la plupart des gens. Et puis, bien sûr, plus à l'est, il y avait l'Inde musulmane qui commençait à intéresser les gens. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il me semble que le 18e siècle, c'est une période intéressante parce que c'est transitoire entre une période où c'était vraiment l'ennemi, on avait des stéréotypes très hostiles, on en avait peur, et la période coloniale, au contraire, c'était une partie du monde qu'on occupait, qu'on colonisait. C'est une période de transition entre les deux, et c'est peut-être aussi ce qui explique qu'il y avait ces représentations différentes et divergentes. Il n'y avait pas ce bloc simple. Bon, donc c'est ce monde musulman excité, la curiosité. Il y avait pas mal de choses écrites dessus. Et il ne faut pas oublier que, pour certaines personnes, le monde musulman, dans l'histoire des peuples, l'histoire des civilisations, la façon de caractériser cette civilisation, ce n'était clairement pas des sauvages, comme l'Américain du Nord ou certains pays africains. C'était quelquefois des barbares, mais ça pourrait aussi être une partie du monde civilisé, mais qui s'était un peu dégradée vers le despotisme. Donc, ce n'était pas forcément un autre qui n'était pas civilisé. Pour certaines personnes, ça rentrait dans le monde civilisé. Bon. Mais bien sûr aussi, il ne faut pas oublier que depuis le Moyen-Âge, comme vous avez vu, que l'islam, c'est l'ennemi, hein, parce que c'est la religion qui est survenue après le christianisme, en opposition au christianisme. Donc, le discours religieux sur ce monde, c'était en grande partie celui de l'affrontement, pendant longtemps, forcément. Et souvent aussi, les connaissances sur ce monde, les connaissances de la religion musulmane, de la langue, des langues arabes notamment, ça pouvait aussi entrer dans l'affrontement et servir à des fins polémiques. Ceux qui s'intéressaient à ce monde, qui voulaient apprendre et qui lisaient les manuscrits et qui enseignaient l'arabe, quelquefois c'était aussi comme moyen polémique ou pour les besoins des tentatives de conversion ou de polémiques religieuses. Et comme vous avez vu, souvent, et on trouve toujours au XVIIIe siècle, l'image du prophète comme moins comme l'antichrist, mais beaucoup plus comme un imposteur. C'est ça la caricature qu'on trouve. C'est un imposteur qui a fait répandre, qui a créé cette religion fausse et qui l'a fait répandre en faisant appel aux instincts les plus bas, les plus infâmes et par la conquête. Donc on trouve ces stéréotypes qui traversent l'époque. Et comme j'ai dit, certains de ceux qui connaissent bien le monde arabe, par exemple, il y a l'anglais Thomas Shaw, qui est là quelque part, si on descend, si vous arrivez à le voir, qui a écrit un ouvrage qui doit y être, ou il n'y est pas. Bon, désolé, qui a écrit un ouvrage sur l'Afrique du Nord qui était très connu, qui était lu par les Français quand ils arrivaient en Algérie en 1830, avec le livre de Shaw à la main. Shaw avait résidé pendant longtemps justement à Alger avec la petite colonie commerciale anglaise comme chaplain. Et il est devenu professeur d'arabe à l'université d'Oxford. Mais en fait, tout son intérêt pour le monde arabe, quand il voyageait en Afrique du Nord, c'était quoi? C'était pour éclaircir la géographie biblique. En fait, c'était pas du tout pour un intérêt pour ce monde. Donc, il faut voir aussi qu'il y avait des intérêts divers et variés. Bon. Alors, on trouve quand même des traductions du Coran à partir du XVIIe siècle. Il y a la bibliothèque orientale de Barthélemy d'Herbelot, et ça je l'ai mis sur la liste, qui a été publiée à la fin du XVIIe siècle et rééditée plusieurs fois. Alors la bibliothèque orientale, c'est vraiment une encyclopédie d'une érudition absolument impressionnante, fondée en grande partie sur les sources arabes, par des gens que Barthélemy d'Herbelot qui était arabisant. Et ça, c'est un ouvrage important de référence pendant le XVIIIe siècle. Et c'est un ouvrage qui tente de montrer, de donner des informations aux érudits sur ce monde. Il y a aussi des traductions d'ouvrages, de textes arabes. Plusieurs de ces arabisants traduisent un certain nombre d'ouvrages arabes qui intéressent beaucoup de monde. Et quelquefois, ces ouvrages font preuve d'un peu plus de tentative d'objectivité dans la présentation de ce monde. On trouve aussi un certain nombre d'ouvrages qui ont ouvertement pour but d'essayer de détruire les préjugés des chrétiens contre les musulmans. Il y a par exemple l'érudit Richard Simon, qui a écrit des ouvrages sur la Bible, justement. Il a écrit un exposé, et ça doit y être, Simon, oui, Simon Richard, Histoire critique, la créance et les coutumes des nations du Levant. Hein. Et là-dedans, il y a un chapitre sur les musulmans. Il dit, cet exposé de leur croyance, c'est afin que ceux qui voyagent en Levant se défassent de quantité de préjugés qu'ils ont contre cette religion. Donc il y avait quand même ces tentatives de le faire. De même, il y a un Hollandais qui s'appelle Adrian Roland, un protestant donc, qui a publié en 1705 un ouvrage sur la religion musulmane, qui lui aussi essaie de détruire un certain nombre de préjugés en citant les textes arabes. Et cet ouvrage de Roland est-il traduit en français? Voilà, Adrian Roland. Voilà, et là, vous avez la traduction française en 1721, qui là aussi fait un exposé de la religion musulmane, afin, encore une fois, de détruire des préjugés. Mais il faut dire que pour le traducteur, qui était un protestant aussi, il dit que les préjugés que les Européens ontrent sur les musulmans nous les fait haïr, mais il dit quand même une autre attitude facilite le commerce et la bienveillance entre les peuples, et par ce moyen, les conversions. Donc on voit quand même l'ambiguïté. D'un côté, il faut connaître un peu mieux, c'est-à-dire faire des préjugés, mais de l'autre côté, si on est en bon terme, si on est moins hostile envers ces gens, ils seront peut-être plus amenés à se convertir. Donc on voit là tout à fait l'ambiguïté des attitudes, des motivations qu'on peut avoir. Ou il y a d'autres, il y a des histoires comme l'ouvrage d'un Anglais, Simon Oakley, qui était aussi professeur d'arabe, sur l'histoire des Sarrasins, qui lui aussi est fondé sur les textes arabes, qui essaie de montrer un peu plus de connaissances. Et l'ouvrage qui a peut-être eu le plus d'effet dans ce sens, c'est la traduction anglaise du Coran, fait par l'érudit Sale en 1734. Il a disparu aussi, la traduction de Sale. Bon, excusez-moi. qui, bon, c'est une traduction 1734, et la traduction du Coran est précédée d'une très longue préface qui lui aussi essaie de corriger l'image déformée du prophète donnée par les propagandistes chrétiens, et qui essaie de montrer beaucoup plus de compréhension pour la religion et pour le prophète. Et en fait, le résultat, ce qui montre aussi l'ambiguïté des choses, c'est que c'est lui-même était accusé d'être un déiste, d'être un athée, d'être ni religieux, et même de s'être converti secrètement à l'islam. Donc on voit qu'il y avait toujours dans le public, bah, le public érudit, ça c'est pas le grand public, ces images, et en même temps, il y avait des gens qui essayaient d'aller à l'encontre de ces préjugés pour toutes sortes de raisons. Hein. Voilà. Et c'était un érudit, il connaissait bien l'arabe, et vraiment c'était aussi pour contrer les préjugés chrétiens. Bon, alors nous avons aussi beaucoup de récits de voyage. Là, ça a intéressé beaucoup le public du XVIIIe siècle. Et nous avons un assez grand nombre de récits de voyage faits par des gens qui avaient ou séjourné dans ces pays, souvent pour des compagnies de commerce ou comme consuls, mais aussi ceux qui ont voyagé souvent comme diplomates. Mais pendant tout le siècle, on trouve ces récits. Hein. Qui présente des différents points de vue. Il y a même le récit d'un Anglais, Joseph Pitts, qui était justement fait prisonnier par les corsaires barbaresques, qui a converti à l'islam, qui avait fait le pèlerinage à la Mecque et qui raconte son pèlerinage à la Mecque. Voilà. Alors, souvent, ces récits, ils sacrifient un peu au goût de l'exotisme. On donne des histoires croustillantes, etc., pour attirer le lecteur, mais quand même, ils montrent, ils sont basés sur une expérience personnelle, et l'intérêt pour ces textes montre l'intérêt qu'avait le public à ce moment-là pour ce monde. Et certains de ces auteurs qui avaient résidé essaient aussi de combattre les préjugés. Il y avait un Français protestant appelé Logier de Tassy qui avait vécu en Afrique du Nord et qui a publié un ouvrage sur Alger qui était beaucoup traduit et distribué. Et là aussi, il essaie de contrer les préjugés. Il dit « Les préjugés de la plupart des chrétiens sont si terribles contre les Turcs et les autres mahométains qui n'ont point d'expression assez forte pour faire voir le mépris et l'horreur qu'ils en ont. » Mais il dit « Je suis persuadé que si ces mêmes personnes pouvaient converser sans le savoir avec les mahométans, qui n'eussent point le turban et fussent habillés à la manière des chrétiens, ils trouveraient dans eux ce qu'on trouve dans les autres peuples. Mais s'ils avaient le turban, ça suffirait pour les faire opinionnâtrer dans leur prévention. » Donc ça indique d'un côté les préjugés et de l'autre ces tentatives d'aller contre. Il y a pas mal d'autres exemples, mais je ne vais pas rentrer dedans. Juste pour dire qu'il y avait un ouvrage monumental écrit en anglais, une histoire universelle qui était traduite rapidement en français, qui couvre tout le monde, après l'ancienne partie avec la partie moderne, et qui est écrit par plusieurs personnes. Et le George Sale, qui avait traduit le Coran, était un des auteurs à l'origine. Et la partie moderne ouvre avec l'histoire des Arabes. Et les auteurs soulignent l'intérêt de l'histoire des Arabes, et ils soulignent aussi la gloire passée des Arabes. Donc ça montre vraiment l'intérêt, parce que cet ouvrage a été consulté par beaucoup de gens. Mais l'ouvrage même contient d'un côté ces signes d'ouverture, et de l'autre, il répète un certain nombre de stéréotypes concernant les Arabes et le monde musulman. Donc on trouve à l'intérieur des mêmes ouvrages ces contradictions. Voilà. Donc, c'est bien sûr l'aspect le plus particulier qui intéresse les gens. Il y a deux aspects, il y a la religion et le gouvernement. Hein. Et je vais les traiter séparément, même s'ils sont très très liés. Hein. Mais en les traitant séparément, ça permet de voir un peu comment ces questions s'insèrent dans les débats du XVIIIe siècle, et ce qui explique les différentes façons de les voir. Bon, alors, nous avons, si on prend la religion, si on prend l'islam même, hein, c'était bien sûr, comme j'ai dit, l'ennemi. Hein. cette histoire universelle dont je viens de parler, après avoir montré l'intérêt du monde arabe et le passé glorieux du monde arabe, il écrit que l'islam est la plus dangereuse de toutes les fausses religions, parce qu'elle flatte les sens, et, mais en même temps, elle s'accorde sur plusieurs points à la religion chrétienne. Donc, c'est particulièrement dangereuse. Et il y a ces deux attitudes envers cette religion. On a aussi, vis-à-vis du prophète, d'un côté ceux qu'il dénonce comme un imposteur, qui est une tradition très ancienne, hein, complètement, alors, comme ils disent, également méprisable par les vices du corps et de l'esprit et par les mœurs les plus corrompues. Voilà. Mais de l'autre côté, il y avait ceux qui considèrent le prophète comme un illustre législateur, un des plus illustres qui est paru dans le monde, et qui loue ses qualités intellectuelles. Hein. Donc, on a tous ces points de vue différents. Bon, pour l'histoire universelle, c'est simplement un imposteur qui a introduit cette nouvelle religion justement pour s'élever dans le monde et pour prendre le pouvoir, et qui a choisi dans la religion tout ce qui a, comme ils disent, tout ce qui fut propre à séduire ce qui avait de plus relâché parmi les juifs, les chrétiens et toutes les sectes des païens. Ainsi, l'islamisme est-il parfaitement adapté au goût de la sensualité. C'est comme ça que ce faux prophète a attiré du monde. Bon. Et ça, on trouve cette attitude, ça continue par tout le XVIIIe siècle chez certaines personnes. Cette image du prophète comme un imposteur, comme quelqu'un qui crée cette religion, qui est une fausse religion, qui fait appel aux aspects les plus dépravés et qui a imposé ça par la force. Par exemple, plus tard dans le siècle, il y a le célèbre Denis Diderot, qui avait rédigé un certain nombre d'articles dans l'encyclopédie sur les Arabes et le Sarrasin, qui a en fait simplement repris ce qu'a écrit d'autres, mais dans sa correspondance, il donne le compte-rendu d'une discussion qu'il a eue dans un salon, et où il dit qu'il était en train justement d'écrire pour l'encyclopédie des articles sur l'islam. Et une dame lui répond qu'à vous consacrer un article à Mahomet, le meilleur ami. Lui, il dit qu'il consacre un article à Mahomet, le meilleur ami des femmes. Et la réponse est oui, et le plus grand ennemi de la raison. Et quand la dame dit voilà une impertinente remarque, il répond madame, ce n'est point une remarque, c'est un fait. Donc voilà encore une fois l'image qu'on trouve du prophète et du monde musulman. Alors, parmi les critiques, bien sûr, que nous trouvons, il y a le traitement aux femmes, qui est une des critiques qu'on trouve très souvent, le traitement accordé aux femmes, et bien sûr, les lettres persanes de Montesquieu, qui est beaucoup lu, ça développe cette attitude et ça encourage cette image de la façon dont on traite les femmes. Il y a aussi une idée sur l'islam qui est très importante, et ça, c'est le fatalisme. Ils disent que la religion musulmane enseigne le fatalisme à cause de la doctrine de la prédestination. Et ça, Montesquieu, par exemple, reprend ça dans l'Esprit des lois, qui est aussi très, très lu et très important. Il dit « De la paresse de l'âme naît le dogme de la prédestination mohammedane, et du dogme de cette prédestination naît la paresse d'âme. » Donc, les Turcs, par exemple, il y a une idée qui circule, c'est qu'on trouve beaucoup la peste dans le monde ottoman, ce qui est vrai, la peste sévissait régulièrement, tous les ans dans différentes parties du monde musulman, et on dit c'est à cause du fatalisme que, puisqu'ils disent on ne peut rien, on accepte la peste et on ne fait rien contre, on achète même les vêtements des gens qui sont morts de la peste, et ça, on met ça au compte de ce fameux fatalisme. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi repris dans beaucoup d'endroits. Bon. Mais il y a aussi, avec ces caricatures qui continuent, des images un peu plus nuancées. Alors là, je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails et je vais essayer de résumer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la référence à l'islam joue un rôle important à l'intérieur de certains débats religieux, à l'intérieur du christianisme. Et le plus important, qui est très important, fin 17e, début 18e, et puis revient plus tard, c'est autour du socinianisme. Alors le socinianisme, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que le socinianisme, c'est une sorte d'hérésie chrétienne. Les sociniens, ils naissent en Italie au XVIe siècle, et puis il y avait une secte en Pologne, et puis ils sont arrivés en Hollande et en Angleterre à la fin du XVIIe siècle. Les sociniens, ils sont pour une religion rationnelle. Ils critiquent les mystères, ils sont aussi pour la tolérance, mais c'est surtout une religion rationnelle contre les mystères. Et le mystère contre lequel ils s'élèvent le plus, c'est la Trinité chrétienne. Voilà. Parce qu'ils disent que la Trinité, ça, on a trois dieux. Donc les Socinians nient la divinité de Jésus-Christ, qui est un dogme fondamental des églises chrétiennes. D'accord ? Et ils disent non, il n'y a qu'un dieu. Le Christ n'était pas divin, c'était juste un prophète. Donc, étant donné que l'islam, aspect fondamental de l'islam, c'est l'unité de Dieu, et c'est aussi là, on a aussi critiqué le christianisme pour justement la Trinité qu'on dit, c'est de l'idolâtrie parce qu'il y a trois dieux. Donc le socinianisme est perçu comme étant proche à l'islam. Donc dans les débats à l'intérieur de l'église autour du socinianisme, on trouve la référence persistante à l'islam. Des deux côtés, on trouve les critiques des sociniens qui disent « mais en fait ce sont des musulmans, s'ils étaient logiques avec eux-mêmes, ils n'ont qu'à se convertir en islam ». Et donc, pour la propagande contre les Socinians, on utilise cette assimilation avec l'islam pour les discréditer et pour les dénoncer. Alors, j'ai donné un certain nombre de références, mais je ne vais pas entrer dans les détails des références parce que ce n'est pas nécessaire, mais on en trouve plusieurs de ces critiques. Chez plusieurs auteurs, il y a même un ouvrage écrit exprès sur... les Socinians, qui tout l'ouvrage est pour montrer en quoi ils ressemblent aux musulmans. Mais en même temps, ce qui est intéressant, chez les Socinians eux-mêmes, quelquefois, ils revendiquent cette ressemblance, qui est quand même assez étonnant. Ils ne le refusent pas. Il y avait, de façon assez étonnante, en Angleterre, quand il y avait à la Restauration, dans les années 1660, il y avait un représentant du Maroc qui est venu rendre visite au roi Charles II, et certains Socinians à Londres ont écrit une lettre qu'ils voulaient aller en délégation voir ce diplomate et lui présenter cette lettre. Et cette lettre expliquait à quel point les musulmans étaient comme les Socinians et qu'ils avaient qu'un petit effort à faire pour être tout à fait des unitaires. En fait, ils essayaient de convaincre ce musulman de changer quelques aspects de la doctrine pour devenir de vrais unitariens. Parce que Socinien, unitarien, c'est la même chose. Donc ça, bien sûr, cette lettre a été utilisée contre eux pour les dénoncer, mais c'est quand même assez étonnant que ça peut être un aspect de la sympathie pour le monde musulman. Et on trouve, par exemple, dans un libre penseur très célèbre, John Toland, qui était un Anglais, mais qui a été beaucoup traduit en France au XVIIIe siècle et utilisé par des irreligieux, Toland, lui aussi, a écrit des choses semblables. Pour le Nazarenus, justement, il essaie de montrer les ressemblances, et ça a été traduit en français, le Nazarène, montrer les ressemblances entre toutes les religions du monde, parce que lui, en fait, il voulait une religion simplifiée. Par moments, c'était peut-être un athée, c'est pas très clair, mais de toute façon, sa représentation de l'islam était comme une religion éclairée, philosophique, et beaucoup plus pur que le christianisme qui avait perdu la pureté de ses origines. Donc il fallait revenir à la pureté de ses origines, comme disaient les Socinians, et pour ça l'islam pouvait être un modèle. Voilà. Donc on trouve dans tout ce débat cette attitude. Et ça, c'est un peu semblable à ce qu'on trouve dans un très célèbre « La vie de Mahomet » par le comte de Boulainvilliers, qui doit y être, qui était un ouvrage, le comte de Boulainvilliers, c'était quelqu'un qui était ou libre-penseur ou spinoziste, on ne sait pas très bien, mais il a écrit « La vie de Mahomet » qui a circulé sous forme manuscrit pendant sa vie, mais qui ne pouvait pas être publié, bien sûr, et qui était publié d'ailleurs en Angleterre après sa mort, en français, où il présente le prophète comme un philosophe. Voilà. Et l'islam comme une religion philosophique. Voilà. Et plus rationnel donc que le christianisme. Donc c'est pour ça que certains nombres de libres penseurs, qui eux sont pas du tout des chrétiens, mais qui sont contre le christianisme ou quelquefois contre l'Église catholique plutôt, c'est pas toujours très clair, mais qui utilisent donc l'islam, et cette fois-ci non plus pour défendre un christianisme purifié comme faisaient les Socinien, mais carrément pour attaquer le christianisme. Donc ils disent, ben voilà, le christianisme c'est une religion voilà, corrompue, il y a tous ces problèmes avec le christianisme, mais l'islam, par contre, est une religion philosophique, plus pure, proche du déisme, qui voit qu'un seul Dieu. Hein. Donc toute cette défense qu'on trouve dans ces textes-là, un certain nombre de textes qui bien sûr ne pouvaient pas être publiés ouvertement en France, mais qui circulaient hein, sous le manteau, quelquefois sous forme manuscrite, qui donnait donc une image beaucoup plus favorable de l'islam. Mais il faut bien comprendre que ce qui les atteste, c'est pas l'islam là-dedans, c'est la critique du christianisme. Donc l'islam est instrumentalisé et représenté simplement comme cette religion très pure et proche du déisme, qui bien sûr n'est pas une image conforme de la religion musulmane. Mais ça a eu un certain nombre d'effets. On le trouve chez un certain nombre d'auteurs. Il y a un libre penseur, un déiste, qui s'appelle le marquis d'Argens, qui a écrit un grand nombre, lui, il doit y être, d'Argens. Oui, voilà. Marquis d'Argens, il avait écrit des lettres juives, les lettres rabbinistiques, et en fait, c'était des ouvrages semi-journalistiques, qui, en fait, un peu sur le modèle de Montesquieu, les lettres persanes, qui avaient des voyageurs qui voyageaient et qui écrivaient des lettres les uns aux autres. Donc, il y avait les lettres juives, c'était des juifs de l'Empire Ottoman qui se baladaient un peu partout et qui décrivaient ce qu'ils voyaient, par exemple. Et là, on trouve aussi cette attitude beaucoup plus favorable envers l'islam, comparée au christianisme, notamment en disant voilà, c'est une religion plus rationnelle. Voilà, et il écrit un de ses ouvrages juifs dit par exemple dans l'islam, il a dit il y a des absurdités, mais j'avoue que j'y trouve des préceptes dignes de l'admiration des plus grands philosophes. Donc l'islam est présenté comme une religion philosophique. En même temps, dans le même texte, on trouve aussi des choses plus hostiles, mais on trouve, comme j'ai dit, ces deux. Faut dire, avant de continuer, c'était pas l'attitude de tous les libres penseurs. Il y a certains d'autres, il y a certains textes anti-religieux qui, par contre, utilisent l'islam au sens contraire pour critiquer le christianisme, en mettant toutes les religions ensemble comme des impostures, en disant, ben voilà, ils sont tous des imposteurs. Mahomet était un imposteur, mais le Christ aussi était un imposteur, et il y a un fameux texte qui s'appelle le traité des trois imposteurs, et les trois imposteurs sont Moïse, Jésus-Christ et Mohamed. Donc, on utilise par contre l'assimilation, disons, cette religion, tout le monde sait que c'est une religion fausse et créée par un imposteur, et le christianisme, c'est la même chose. Donc, les mêmes libres penseurs utilisent l'islam dans deux sens totalement opposés. Pour l'un, c'est une religion philosophique beaucoup mieux que le christianisme, et de l'autre, on l'attaque pour attaquer le christianisme, comme le fait Voltaire dans sa célèbre pièce « Mahomet », où il montre Mahomet comme l'imposteur, mais en fait, ce n'est pas l'islam qui l'intéresse, c'est la critique des prêtres catholiques. Voilà. Donc, on trouve l'utilisation parfaitement opposée. Un aspect de cette utilisation, c'est la tolérance. Bien sûr, il y a un grand débat en Europe au XVIIIe siècle, à partir du XVIIe siècle, sur la tolérance. le catholicisme est perçu comme une religion intolérante. Il y avait l'expulsion, la révocation de l'édit de Nantes qui interdisait le protestantisme en France, à la suite desquelles beaucoup de protestants sont partis. Hein. Donc l'attaque contre l'Église catholique, c'était son intolérance. Et là, au contraire, on présente l'islam comme une religion tolérante. Et ça, on le trouve dans beaucoup de textes du XVIIIe siècle. On cite, et justement le marquis d'Argens, ça fait partie de ce qu'il dit, on cite la tolérance pratiquée dans l'Empire ottoman où les chrétiens avaient le droit d'avoir leurs églises, avaient un statut dans l'Empire, et on faisait le contraste, au contraire, avec l'Église catholique qui persécutait, avec l'Inquisition, etc. Donc là encore, l'islam était instrumentalisé et avec une image très favorable, mais encore une fois, pour dénoncer l'intolérance des chrétiens. Quelquefois, ce n'est pas forcément les anti-religieux, c'est les protestants qui utilisent pour dénoncer les catholiques. On trouve ça dans le dictionnaire de Bayle, où il y a un long article Mahomet, entre autres, où il y a beaucoup d'intérêt pour Mahomet. Mais ce qui l'intéresse le plus, d'ailleurs, il dénonce, lui, plutôt la façon dont Mahomet a répandu sa religion par l'épée. Mais en fait, il n'en veut pas du tout à Mahomet. Il critique des chrétiens qui sont intolérants, en fait. C'est ça le but de sa critique. Donc, encore une fois, c'est une instrumentalisation, mais qui peut prendre les deux aspects. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas une image. Ça dépend, en fait, du contexte particulier et de ce qu'on veut, on veut montrer, à quel moment. Hein. C'est pour ça que l'encyclopédie, par exemple, qui est le grand ouvrage sur le reste du monde, il y a un certain nombre d'articles sur le monde musulman, en général, l'encyclopédie n'est pas toujours, montre pas toujours beaucoup de sympathie envers le monde musulman parce que plutôt les auteurs sont contre toutes les religions, donc on est contre l'islam au même titre que l'autre religion, que d'autres religions. Mais on trouve aussi, et je trouve que ça, à mesure qu'on avance dans le siècle et que l'Empire ottoman devient moins une menace, il me semble que ceux qui sont hostiles aux religions, les libres penseurs, les déistes, les athées, moi, il me semble qu'on trouve un peu plus d'hostilité envers l'islam. C'est clairement le cas de Volney, hein, qui doit être là. Vous trouverez, voilà, Volney, voyage en Égypte, en Syrie. Volney était envoyé justement par le gouvernement français, en Égypte et en Syrie, il a écrit ça, et Volney est vraiment très hostile envers tout ce qu'il trouve dans le monde musulman. Et Volney, en fait, il trouve qu'il est contre la religion est quelque chose qui ne peut être que dangereuse pour lui, et son attitude envers l'islam est systématiquement hostile. Hein, d'accord. Et on a tendance à penser à Volney, et un des arguments de ceux qui disent que justement les Lumières préparaient la conquête de l'Afrique du Nord, c'est Volney. Parce que Volney était hostile à ce monde, il était contre l'Empire ottoman, il pensait que l'Empire ottoman devait être repoussé hors de l'Europe, et il était très hostile à l'islam, à tel point même qu'il est cité par un apologiste chrétien, l'abbé Berger, qui a écrit un dictionnaire de théologie à la fin du XVIIIe siècle. Il a écrit un article mahométisme et il loue Volney. Et il critique tous les autres libres penseurs qui ont montré de sympathie pour l'islam, et il loue Volney, parce que Volney a montré de l'hostilité envers l'islam. Mais il ne faut pas penser que Volney représente toutes les attitudes du XVIIIe siècle. Alors chez Volney aussi, il y a la question politique. Parce que ce que Volney critique dans le gouvernement turc, hein, c'est qu'il dit que le gouvernement turc opprime et détruit les sociétés qui contrôle, il réduit ces sociétés à la pauvreté. Et il décrit ce qu'il voit en Égypte, en Syrie, comme la misère, la pauvreté. C'est la faute au gouvernement ottoman. Et il considère que c'est le résultat de la religion. Donc pour Volney, la religion, cette religion répand la désolation, c'est l'ignorance, ça prêche le fatalisme, comme j'ai déjà dit, ce qui explique la peste, mais c'est aussi c'est le despotisme. Pour Volney, cette religion encourage le despotisme et l'empire ottoman représente le despotisme. Hein. Et là, c'est l'autre aspect que je vais traiter assez rapidement, c'est le despotisme. On a un des thèmes du XVIIIe siècle qu'on trouve chez beaucoup d'auteurs, c'est le paradigme du despotisme oriental. Voilà. Qui est quelque chose qui continue, qui a une très longue vie et qu'on trouve même aujourd'hui, je dirais. Hein. Alors, c'est développé notamment par Montesquieu. Dans l'esprit des lois, hein, les différents systèmes, il y a le despotisme qui caractérise le monde musulman. Pour Montesquieu, c'est en grande partie à cause du climat, en fait, parce que le système en Montesquieu, c'est le climat. Mais c'est Montesquieu qui popularise cette idée. Mais ce n'est pas lui qui l'a développée. Ça date de beaucoup plus longtemps, en fait, l'idée du despotisme. Mais la théorisation, en fait, que reprend Montesquieu, cet effet, il a pris chez un ouvrage d'un Anglais de la fin du XVIIe siècle, Rico, qui doit y être, qui a écrit, qui a passé du temps dans, voilà, The Present State of the Ottoman Empire, qui était traduit en français, qui était très connu en France, Rico, qui a passé des années à Smyrne, comme représentant de la compagnie du commerce du Levant. Et il a écrit cet ouvrage, et dans cet ouvrage, il commence par dénoncer le gouvernement turc comme un despotisme fondé sur la religion, qui détruit les arts et les sciences. Et ce qui caractérise le despotisme, c'est que tout est soumis à la volonté d'un seul, ça veut dire le despote, qui est au-dessus des lois, et même il n'y aurait même pas vraiment de loi. Ce despote gouverne par la peur, et en plus, il n'y a pas de propriété privée, parce que tout revient au sultan. Voilà. Donc ça, c'est ce thème du despotisme, très lié donc, au monde ottoman, et très lié à la religion musulmane, bien sûr. On trouve, comme chez D'Argence, malgré sa sympathie pour l'islam, on le trouve chez beaucoup d'autres auteurs, on le trouve chez quelqu'un que j'ai mentionné en passant, le baron François de Tott, qui était envoyé auprès de la porte de l'empire ottoman pour moderniser les armées, et il n'a pas du tout réussi à moderniser les armées. Donc, il a écrit ses mémoires sur les Turcs et les Tartares, et il met tout son échec sur le compte du despotisme, de l'ignorance, du fanatisme, de la barbarie. Hein. Et il dit tous les préjugés qu'ont les Européens à leur compte, c'est absolument vrai. Il dit, il n'y a point de nation sur laquelle on ait plus écrit que sur les Turcs, et peu de préjugés plus accrédités que ceux qu'on a adoptés sur ces mœurs. Hein. Donc, vers la fin du XVIIIe siècle, on trouve renforcé ce thème du despotisme très lié à l'islam et sur le monde musulman. On le trouve chez certains Anglais qui ont écrit sur l'Inde à la fin du XVIIIe siècle. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'Inde en général, donc aussi bien l'hindouisme, mais encore plus l'islam. Et ça continue chez certains Anglais, bien sûr, au 19e siècle, sur l'Inde. On reprend ces idées que l'Inde, ça a toujours été le despotisme et que c'est les Anglais qui sont venus apporter, bien sûr, un gouvernement plus éclairé. Hein. Mais ce qu'il faut aussi savoir, que cette image du despotisme oriental n'a jamais été universellement acceptée. Il y avait quand même un débat autour de cette notion du despotisme oriental qui caractérisait tout le monde musulman et notamment l'Empire ottoman. Il y a un certain nombre d'ouvrages pendant tout le XVIIIe siècle qui sont élevés contre en disant « mais non, ce n'est pas vrai ». On commence, il y avait, ça je ne pense pas qu'elle soit là, mais il y avait une Anglaise qui était la femme de l'ambassadeur britannique à Constantinople, qui a écrit ses lettres qui ont été publiées après sur son expérience, ces lettres qui sont très favorables au gouvernement ottoman. Elle visite le Sarai, elle visite les femmes, elle dit que les femmes ont une vie très bien, tout ce qu'on a dit sur elles, ce n'est pas du tout vrai, et elle s'élève contre cette notion de despotisme. Oui, Lady Mary Wantley Montagu, voilà. Voltaire aussi n'accepte pas cette image du despotisme oriental. Dans son essai sur les mœurs, il dit que ce n'est pas du tout aussi arbitraire, ce n'est pas du tout une seule personne qui gouverne. Il y avait un autre ambassadeur britannique à Constantinople dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, James Porter, qui doit y être, qui a écrit, observation, qui a été traduit et circulé en traduction, Observation sur la religion des Turcs, et lui aussi, il s'élève contre cette image en disant que le sultan n'est pas plus despotique que plusieurs souverains européens, hein, et que son pouvoir est limité par un certain nombre de lois, que ce n'est pas vrai de dire que c'est sa volonté qui règne, qu'il est au-dessus des lois. Au contraire, les lois qui sont respectées. Et à la fin du siècle, il y a un débat par certains Français. Il y a Charles de Pessonnel, qui était consul général de la France à Smyrne, et qui critique Thotte et Volney en disant pas du tout, il y a des erreurs, ils n'ont rien compris. Et il critiquera encore plus Volney que Thotte, en disant que Volney, il n'est pas resté très longtemps, il ne connaît pas assez les mœurs et la langue. S'il était resté plus longtemps, il aurait compris que ce qu'il écrit n'est pas juste. Mais il faut savoir que Pessonnel soutient la politique française, du gouvernement français à ce moment-là, envers Constantinople. Le gouvernement français soutient l'Empire ottoman contre l'Empire russe. Donc, ceux qui soutiennent l'Empire ottoman ont tendance à défendre ce gouvernement et critiquer cette image du despotisme oriental, et critiquent beaucoup plus l'Empire russe en disant « eux, ils sont despotiques ». Voilà. Donc c'est pour ça qu'on trouve chez Pessonnel, tandis que Volney, il est contre cette politique. Volney soutient les Russes dans cette guerre russo-turque en disant justement que les Turcs doivent être, comme j'ai dit, expulsés d'Europe et ils n'ont rien à faire là, et il soutient la Russie. Donc il faut comprendre que derrière ce débat, il y a aussi un débat politique. Pour Volney, c'est ceux qui soutiennent l'Empire ottoman, c'est de la réelle politique. C'est simplement parce qu'il faut contrer l'avancée russe, donc on défend l'Empire ottoman, donc on essaie de trouver des aspects favorables à ce gouvernement et à cette religion. Tandis que Volney dit non, cette réelle politique, je suis contre. Il faut, voilà, mes arguments sont moraux. Ce gouvernement est néfaste, ça opprime les peuples, donc moi je le critique. Donc, nous avons deux façons de voir les choses. Tandis que pour Pessonnel, pas du tout. Il dit que, Pessonnel écrit, il n'y a peut-être aucun gouvernement au monde plus humain que les Turcs, qui foule moins les peuples, qui exige moins de contributions des sujets, qui impose au commerce des droits plus modérés. Et Volney dénonce ça comme justement la réelle politique et pas du tout une vue réelle des choses, tandis que lui, il accuse Volney d'ignorance. Volney est aussi accusé d'ignorance par un autre diplomate, Louis de Chénier, qui avait été représenté la France au Maroc, qui a aussi écrit un ouvrage sur le Maroc et les morts. Lui aussi, il critique Volney d'une façon moins violente. Il faut aussi noter qu'il y a un ouvrage monumental de quelqu'un qui s'appelle Muraja Dawson, je sais plus, c'est un M-O-A-O, tableau général de l'Empire ottoman, qui était quelqu'un d'origine de l'Empire ottoman, mais qui travaillait pour les Suisses, les Suédois, qui représentaient les Suédois, et c'est pour ça qu'il a ce nom à peu près très bizarre. Et en fait, ce qu'il a fait, il a publié les lois de l'Empire ottoman. Et son but, c'est de montrer qu'il y avait des lois, que ces lois étaient respectées, qu'ils étaient en conformité avec la religion. Donc tout ce qu'on disait sur le despotisme, ce n'était pas vrai. Hein, et voilà, pour le contrer, il publiait ce volume des lois. Hein. Et il dit, il faudrait, il dit qu'il faut bien réformer ce gouvernement, mais le gouvernement est capable de réformer. Il faut un empereur sage pour le réformer, mais c'est tout à fait possible. Il y a aussi un autre ouvrage d'Anquetil Duperron qui s'appelle « La législation orientale », qui là aussi, tout l'ouvrage est fait pour critiquer la notion du despotisme oriental, et en Inde, et en Empire ottoman. Et ça aussi, c'est un ouvrage très connu où il essaie encore une fois de montrer qu'il y a des lois, que les lois sont respectées, que ce n'est pas simplement un despotisme. Et il critique encore une fois Volney. Bon, alors, c'est un galop à travers différents points de vue, différentes représentations et beaucoup de textes. Mais en fait, voilà, ce que je voulais montrer, c'est que c'est beaucoup plus complexe qu'on ne croit. On trouve, bien sûr, il n'y a pas une image, une position des Lumières sur l'islam et du monde islamique, du monde musulman. On a la continuation de certains stéréotypes. Le prophète, c'est un imposteur. Ça continue. Hein. Le despotisme de l'Empire, ça continue chez un certain nombre de personnes que j'ai vues. Mais de l'autre côté, nous avons aussi beaucoup de gens qui essaient de contrer ces stéréotypes. On peut avoir de la sympathie pour l'islam, on peut avoir une image beaucoup plus favorable, notamment comparée à ce qui se trouve en Europe. On a ceux qui rejettent l'image du despotisme oriental, mais ce qu'il faut voir qu'à chaque fois, c'est à l'intérieur d'un débat européen. Et on peut se poser la question dans quelle mesure il y avait une vraie compréhension ou pour ce monde ou pour l'islam. Parce qu'en général, on peut dire qu'il y a une instrumentalisation d'un côté à de l'autre. Mais ça veut dire quand même qu'il n'y a pas une image, que l'islam est quand même très présent. On connaissait de plus en plus, il y avait de plus en plus d'ouvrages dessus. Et si on voulait, on pouvait connaître. On avait des traductions du Coran. On avait des traductions de textes d'histoire écrites en arabe sur le monde musulman. Et même des textes ambigus dans l'encyclopédie ou dans le dictionnaire de Bayle, on trouve de longs récits de la vie du prophète, de l'histoire, des préceptes de l'islam, pris de certains auteurs avec énormément de références. Donc c'était possible de se renseigner. Mais donc là aussi, on pouvait l'utiliser d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est juste pour dire que la construction, l'image de l'islam, c'est une construction instable et assez incohérente, avec des contradictions. Et on peut faire dire à la réalité un peu ce qu'on voulait en fonction des arguments. Mais voilà, et je trouve qu'après, au XIXe siècle, je trouve qu'il y a une simplification de certaines choses, que cette complexité de l'islam a tendance à se perdre, et encore une fois, pour des raisons très concrètes. Voilà, parce qu'on commence beaucoup plus à coloniser, à dominer ce monde. Mais voilà, donc c'est ça que je voulais montrer, l'ambiguïté, la complexité. Et donc vous pouvez voir qu'il y a certaines attitudes qui continuent aujourd'hui, qu'on peut faire appel à certaines de ces attitudes du XVIIIe siècle, en laissant tomber les autres, voilà, pour des stéréotypes négatifs. Je voulais juste dire, j'ai vu ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, un ouvrage très récent, publié en 2009, en anglais, aux États-Unis, à Cambridge University Press, qui s'appelle « L'orientalisme et l'islam ». Mais en fait, l'auteur prend tous les textes sur le despotisme oriental, depuis Montesquieu jusqu'à presque aujourd'hui, y compris Marx et un grand nombre d'auteurs, des sociologues, etc. Et tout son but, c'est de montrer que, en fait, ces gens-là, ils savaient de quoi ils parlaient, que c'est vrai. Le monde musulman, ça a toujours été un despotisme, ça a toujours été dangereux, ça a toujours été une menace pour l'Europe. Donc aujourd'hui, il faut qu'on fasse attention. Il finit presque avec la guerre des civilisations, d'une façon totalement caricaturale, après des analyses à peu près correctes de tous ces auteurs. Et ça, c'est un ouvrage publié en 2009 chez un éditeur très sérieux. Donc, il montre encore une fois qu'on peut prendre des aspects du XVIIIe siècle, Montesquieu, etc., et les utiliser dans le sens qu'on veut, en laissant tomber tout le côté beaucoup plus ambigu qu'on trouve à cette époque-là. Et voilà, j'espère que ça vous a été utile. Merci.